Bonjour, bienvenue à la fabrique d'admiration et d'impertinence numéro 17. Juste vous redire que ce projet donc est un projet de conférence atypique. On essaye mêlant paroles savantes, souvent universitaires, et gestes artistiques assez humbles. Donc un projet porté par le CACDN, mais également l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest. Les prochains rendez-vous après celle-ci seront autour de l'éloquence le 24 février à l'occasion de la venue de Kerry James notamment et d'un spectacle, d'une adaptation de Cyrano. On s'interrogera sur l'éloquence avec une conférence performée également. Et la dernière de la saison en avril autour des anniversaires. Joyeux anniversaire, point d'interrogation, à l'occasion des 40 ans du CNDC, des 10 ans du Quai et des 70 ans de la décentralisation théâtrale dont nous, en tant que CDN, nous sommes porteurs. Voilà, donc c'est vraiment des gestes qu'on essaye de rendre atypiques, impertinents et ludiques. Je pense que ça sera le cas aujourd'hui. Ça commence déjà pas trop mal. Cette fabrique numéro 17, donc Famille en Images, est le fruit d'un partenariat assez conséquent avec le festival Premier Plan. Et l'Université d'Angers spécifiquement, et plus précisément le programme de recherche Enjeu, Enfance et Jeunesse. Donc il y a un programme de recherche de la MSH, la Maison des Sciences Humaines de l'Université d'Angers, qui s'intéresse à l'enfance et à la jeunesse, comme son nom l'indique. Et un des axes de ce programme de recherche s'intéresse plus spécifiquement à la filiation et à la famille. Et donc c'est en lien avec ce programme que nous avons travaillé. Cette fabrique vous est également proposée en écho au spectacle avec le Festen, d'après le film de Thomas Vinterberg et Morgan Srukov, je prononce peut-être pas très bien, qui a été mis en scène par Cyril Test et le collectif MXM, que vous avez pu voir cette semaine, j'espère, au Quai. Et également en écho à la rétrospective du festival Premier Plan, donc là qui a ouvert hier soir, et vous pourrez voir cette rétrospective, et notamment Affreux, sale et méchant, et aussi Festen bien sûr, mais d'autres films dont les extraits vous seront projetés tout au long de cette fabrique, rétrospective Drôle de famille. Donc voilà, on en a eu une preuve. Je remercie ici chaleureusement donc les deux partenaires assez conséquents sur cette fabrique que sont le festival Premier Plan et l'Université d'Angers et le programme de recherche Enjeux, bien évidemment. Voilà, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et je vous présente les intervenants que je remercie également chaleureusement, qui sont à la table avec vous, en famille donc. Emmanuel Graton, docteur en sociologie à l'Université d'Angers. Claudine Combier, maître de conférence en psychologie à l'Université d'Angers. Notamment, hein, leurs titres sont beaucoup plus longs, mais vous les avez peut-être constatés sur la vignette qui a été projetée en arrivant. Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant, que vous retrouverez pas mal sur le festival Premier Plan et que vous connaissez certainement. Et Sandy Boisard et Xavier Mali, qui sont parmi vous, cachés comédiens du collectif MXM, que vous avez vu jouer dans Festen, pour ceux qui ont eu la chance de voir le spectacle. Je vous laisse entre de bonnes mains et avec Emmanuel Graton pour démarrer. Oui, avant de parler du secret de famille, on va parler du secret tout court déjà. Et le secret, c'est finalement un élément anthropologique fondamental qui est présent dans toutes les sociétés. Il faudrait presque attendre aujourd'hui, presque notre hypermodernité dans laquelle nous sommes, pour envisager la transparence totale, au contraire, de tout sur tout, et avec elle, la disparition programmée de la société elle-même, on pourrait dire. Des films récents ont traité de cette question, comme The Circle, en 2017, justement, de James Ponsold. Le projet défendu dans le film est de s'auto-appliquer une micro-caméra qui filmerait tous les actes de notre journée et nous permettrait donc d'éviter tout risque de déviance. Une manière de participer hyper démocratiquement à la vie citoyenne. Puisque nous n'avons rien à cacher, à quoi bon le secret ? Les secrets sont des mensonges, affirme le leader dans le film. Bannissons le secret de notre vie et tout ira bien. Cette idée n'est en fait qu'une copie revue et corrigée du Big Brother de George Orwell. La société de la transparence est surtout celle de la surveillance. Savoir c'est bien, mais savoir tout c'est mieux. Confirme encore le leader. Faut-il alors vanter le secret comme l'essence même de l'humanité ? Non. Non, car qui dit secret dit qu'il existerait une vérité suprême, qui serait précisément une forme de révélation totale que l'on pourrait qualifier de divine. Il n'y a que Dieu pour tout connaître. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une promesse impossible. Défendre le secret, c'est vouloir maintenir l'homme dans la méconnaissance. Or, nous sommes humains, donc limités dans notre capacité à accéder à la connaissance. Nous sommes d'ailleurs mis en garde contre cette prétention à connaître, interdit de toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. Mais nous en crevons d'envie, non ? Et nous croquons dans la pomme. C'est comme ça qu'on sait que la Terre n'est pas plate, mais ronde, et bien d'autres choses encore. Mais il y en a encore pour défendre que la Terre est plate, et encore pour défendre la théorie créationniste contre la théorie évolutionniste. Mais pour autant, nous ignorons encore beaucoup de choses, et pour longtemps. Ni secret, ni vérité, c'est plutôt dans cet entre-deux que nous naviguons. Le secret fait partie d'une famille de termes assez proches. Pour lui donner un caractère sacré, on peut parler de mystère, le mystère d'Isis et d'Osiris, le mystère de la foi, le mystère de l'Eucharistie. Dans les sectes ou les groupes fermés, on retrouve aussi cette idée de secret que seuls les initiés peuvent détenir. Pensons à la franc-maçonnerie, par exemple. Dans certaines sociétés, on cultive le secret. Les chamans détiennent le savoir qui échappe au commun des mortels. Nous, nous avons les psys pour nous dévoiler le secret de l'inconscient. Le secret crée l'alliance, le lien, qui fait que les uns vont pouvoir se différencier des autres. Le secret crée aussi l'envie de ceux qui ne sont pas dans le secret. Si je vous disais que je détiens un secret, vous voudriez tous savoir lequel ? Eh bien, je vous le dis, je détiens ici un secret. Pour le connaître, il faut attendre la fin de cette fabrique. Me croyez-vous ? Nous fabriquons ensemble des secrets tous les jours. Le non-dit, lui, est un terme plus profane. Le non-dit n'est pas toujours un secret au sens littéral du terme, dans la mesure où il n'est pas volontairement tenu secret pour jouir d'un pouvoir, par exemple. Le non-dit n'est tout simplement pas dit pour des raisons qu'on pourrait qualifier d'éthique, du ressort de l'éthique de la responsabilité, soit pour ne pas faire souffrir ceux qui pourraient être blessés par son expression, soit parce qu'il semble présenter plus de dommages que d'intérêts dans la situation. Le non-dit n'est pas un secret, mais il pourrait le devenir parfois, selon les circonstances. Non-dit, secret, mystère, il peut y avoir comme une inflation du tabou avec une mobilisation psychique, sociale et culturelle inflationniste. Il y a aussi des formes détournées du secret, comme le déni qui consiste à se voiler la face soi-même, ou encore le mensonge qui consiste à masquer une réalité pour une fausse connaissance. Déni et mensonge cohabitent parfois dans un nœud relationnel. À ce titre, certaines révélations de pseudo-secrets n'ont pour objet que de masquer davantage un secret plus fondamental. Un secret peut en cacher un autre. Les secrets sont parfois en chaîne, car ils entraînent un mensonge, puis une série de mensonges pour toujours davantage couvrir le premier. Celui qui est disposé à ne rien vouloir en savoir est prêt à tout gober, à avaler des couleuvres. Ceci constitue autant d'indices qui serviront généralement à la révélation ultime lorsqu'il sera davantage disposé à les recracher. Le secret provoque de manière différée le dévoilement et réciproquement. Et puis, il y a secrets et secrets, des petits secrets, des grands secrets, des secrets de polichinelle, des trucs top secrets, des secret stories qui passent à la télé. Bref, tout contient une part de secret. Il n'y a donc ni à faire l'éloge du secret, ni à en faire une malédiction. Le secret est tout simplement une donnée fondamentale de l'existence. Nous avons chacun notre jardin secret, et heureusement, réfléchissez un instant à un élément de votre jardin secret, un truc que vous n'avez jamais dit à personne. Et imaginez le dire à votre voisin, là, celui qui est à côté de vous, là, maintenant. Finalement, c'est pas mal le secret. Nous partageons avec certains amis des confidences et nous ne voudrions pas qu'elles soient étalées sur la place publique. Dans le domaine professionnel, il y a aussi des secrets qui protègent le fait même de pouvoir dire. Le secret médical, le secret de la confession, le secret professionnel des assistantes sociales, des psychologues. Jusqu'à l'échelle de l'État, il y a des secrets. Le secret défense, par exemple. Avant de mettre le secret au pilori, faut-il se demander l'usage et l'utilité du secret, ou de ce qu'il convient d'appeler peut-être ici la discrétion, le respect. Parlons maintenant du secret de famille. Disons des secrets de famille qu'il en existe au moins deux sortes de secrets. Les secrets de famille qui sont détenus par la famille tout entière, à l'égard de tout étranger à la famille. Et ce secret renforce les liens entre membres. On lave son linge sale en famille, dit-on. Et puis il y a le secret au sein de la famille qui concerne plusieurs protagonistes de la famille initiés à l'exclusion d'autres membres de cette même famille. Ce secret divise potentiellement, au contraire, les membres entre eux. Le secret est donc toujours à double tranchant. Il vise l'unité mais il contient potentiellement la division. Demandez à Alexandre Jardin, par exemple, qui, après avoir vanté les mérites de son grand-père, découvre qu'il était le bras droit de Laval, et il le révèle d'ailleurs dans « Des gens très bien ». Ne me parlez pas d'inceste. Nous n'avons jamais forcé aucun de nos enfants. Ils ont eu des relations sexuelles avec leurs parents parce qu'ils nous aimaient. Lorsque l'un d'eux était dans notre lit, les autres le jalousaient. Ils mettaient à fond le son de la télé, ils jetaient leurs jouets contre notre porte. Le matin, on les retrouvait couchés tout habillés sur la moquette du salon. Quand ils se réveillaient, ils fondaient en larmes. On devait les couvrir de baisers, de caresses pour parvenir à les consoler. On les savonnait dans leur bain et le soir, on leur mettait des couches pour les rassurer. Ils aimaient le contact de nos mains. Ils auraient voulu que leur toilette ne finisse jamais. Ils refusaient de grandir parce que ils sentaient que l'âge adulte les séparerait tôt ou tard de nous, inéluctablement. Il m'arrivait d'en prendre deux ou trois dans ma chambre et mon mari prenait les autres sur le canapé. Nous nous démenions pour les satisfaire et pour qu'ils connaissent le goût du bonheur. Comme je voulais me consacrer à eux, j'ai abandonné mon travail de secrétaire. Mon mari se mettait à tout bout de champ en arrêt maladie. Et sa boîte a fini par le mettre dehors. Et il n'a pas retravaillé depuis. Notre train de vie en a pris un sacré coup. Pourtant, on est resté digne. On n'a jamais demandé d'aide à la mairie. Alors que beaucoup d'autres à notre place auraient fait le siège des services sociaux pour faire valoir leurs droits. Malgré tout, nos enfants n'ont jamais manqué de rien. On leur achetait de la viande et des glaces et ils pouvaient taper dans le congélateur s'ils avaient envie d'un hamburger ou d'une pizza. Ils sont même devenus un peu gros. Mais bon, les gamins trop maigres sont souvent sournois. Les nôtres ne nous cachaient rien. Ils nous sont toujours restés fidèles, même quand ils sont allés en colonie de vacances ou alors chez des copains le week-end. Ils ne sont ni impurs ni pervers. Ils avaient des rapports avec nous parce que nous étions leurs parents, mais il ne leur serait jamais venu à l'idée de se débaucher comme beaucoup d'autres avec des étrangers. Bon, on était parfois fatigués, hein, mais on se faisait une douce violence pour combler leurs désirs. À ces âges, la sève monte dans l'arbre à le faire exploser. Nous, on s'épuisait pour qu'ils s'épanouissent et ne se sentent pas plus grands, plus tard, frustrés par leur enfance. Il y a tant de gosses malheureux. Ils dorment en solitaire tout au long de l'année et ils regretteront toute leur vie de n'avoir pas connu leurs parents. Je veux dire connaître au sens sacré du mot. Celui que donne la Bible. Secret de famille. Est-ce que c'est un sujet de cinéma, au même titre que les histoires d'amour, les hold-up, les meurtres? Secret, on dit rien, on montre rien, pas de son, pas d'image. Eh bien, cette assiette de pâtes, avec de la sauce tomate, peut-être vous vous êtes dit, mais je suis arrivé en retard, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette assiette de pâtes. Et ce gros plan où on la suit, cette assiette de pâtes, qui va jusqu'à donc un personnage, Giacinto, c'est comme si, Christian Metz le dit, on disait « voici une assiette ». Comme si le cinéaste, montreur de marionnettes, vous savez, qui se cache derrière son castelet. Le cinéaste, il essaie de se faire le moins voir possible. Là, il se fait voir, il s'adresse au spectateur et il vous dit, attention, cette assiette de pâtes, c'est peut-être pas une assiette de pâtes. Ou ce n'est pas qu'une assiette de pâtes. Petit à petit, la séquence, elle vous a dévoilé quelque chose. C'est vrai qu'à un moment, il y a ce poème de consolation qui est dit par l'enfant et qui parle d'un habit de miel. Un habit de miel sur cette assiette de pâtes. Bon. Après, il propose un petit peu de pâte à un enfant. Et là, il y a la réaction de sa mère, apeurée. Non, surtout pas, il a mal au ventre, il a sa semoule. Bon. Et puis cette discussion sur les rats. Il marche, mon poison ? Oui, il marche bien. Occupe-toi plutôt de tes fesses. Bon. Et puis, il y a cette tension, ce silence, tout le monde mange. Et pas de mots qui s'échappent des bouches, comme si tout le monde était concentré sur l'action de manger, mais ce rire, et comme le dit Serge Tisseron, ce rire qui s'échappe, cette réaction inappropriée quand on veut absolument cacher quelque chose. Et ces pâtes, elles ont un goût bizarre. Et la grand-mère sénile qui lâche le morceau, ah oui, il y a 4 sachets de mort orale dans cette assiette. Et on est là, pour nous, spectateurs, dans une position différente des personnages du film. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui ne sait pas, il y a tous les autres personnages presque qui savent, et nous qui découvrons petit à petit, progressivement, ce qu'il y a dans cette assiette. Il y a donc dans le secret une démarche qui consiste à mettre à part une vérité, à séparer. Secret, le préfixe est très intéressant, on le retrouve dans séparer, ségrégation, sélection, beaucoup de mots comme cela. On met à part une vérité et on met à part aussi quelqu'un. Parce que bien sûr, s'il savait dès le départ que l'assiette était empoisonnée, peut-être ne l'aurait-il pas mangé avec autant de plaisir, peut-être ne l'aurait-il pas mangé du tout. Et donc, on a un vrai sujet de cinéma. Parce que là, il y a une tension pour cacher quelque chose. Le cinéma, c'est fait pour montrer un mouvement, pour montrer quelque chose qui se met en place. Et c'est tout cela qui s'est mis en place, et pour ça, il faut une énergie. Il y a eu de l'énergie dans la préparation de ce plat de pâtes, il y a eu de l'énergie auparavant dans la mise en accord de tout le groupe familial pour accomplir cette action. C'est le spectacle d'une famille qui s'est mise en mouvement, qui fait un peu penser peut-être, si certains d'entre vous ont vu le film, au crime de l'Orient Express, d'une autre façon. Et c'est une violence quand même, cette assiette. C'est une violence qui répond à une autre violence. Une autre violence qu'on a vue dans le film, avec une pauvreté extrême, des gens qui vivent comme ils peuvent, qui survivent plutôt par le vol, la prostitution, avec un magot qui est caché par ce Giacinto dans sa culotte quand il dort, et qui dort avec un fusil tellement il a peur qu'on lui vole son magot. Et il a ce magot comme compensation de l'œil qui lui a été brûlé par la chaux vive. Et dernier élément de cette violence, c'est qu'il a amené chez lui, dans son lit conjugal, avec sa femme, une prostituée. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc cette violence de l'assiette répond à une autre violence. Ce personnage de Giacinto, c'est un cyclope, c'est un être monstrueux, un patriarche qui récolte en quelque sorte ce qu'il a semé. Et toute la question, c'est de savoir comment le spectateur se place dans cette scène. C'est qu'il y a toute la dynamique là d'une revanche à prendre par rapport à une situation d'oppression. Nous percevons, mais c'est à nous de le faire, l'ampleur de la souffrance et de l'humiliation. Et nous percevons aussi la culpabilité de ce groupe qui est en train de tuer une personne, un homme, un père monstrueux, un père archaïque, un père pervers, sans foi ni loi, dont il faut bien se débarrasser pour pouvoir continuer à vivre. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution, c'était la solution au problème qui était posé. Avec Affreux, sale et méchant, on voit se construire finalement le secret du premier type. Ce secret qui concerne une grande partie de la famille et qui constitue une complicité, une alliance entre les femmes qui ne veulent plus de l'accaparement sexuel de ce patriarche et les hommes qui veulent introduire un partage des femmes et des biens. Seuls les enfants sont innocents et leur innocence pourrait bien les conduire à leur perte. Ils hériteront demain de cet assassinat collectif sans y avoir participé directement. Pour autant, ce secret, selon l'hypothèse freudienne, les conduira au tabou et au sentiment de culpabilité du fait même de l'acte. ¿Y eso? Te he llamado un montón de veces para que compraras el pan, que no queda. No se te habrá ocurrido ir a comprarlo, claro. No. Estás hecha una sopa. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? No sé, un rato. ¿Y dónde has estado? ¿Con tus amigas? No. En ningún sitio. ¿Entonces por qué no me has cogido el teléfono? Oye, contesta, que ¿qué te ha pasado? ¿Y tu padre? Está. ¿Dónde? Está en la cocina. Se me echó encima. Estaba borracho. Yo le grité que qué hacía. Y él me dijo que no era mi padre. Le empujé y me lo quité de encima. Pero se levantó y volvió a abrazarme. Yo le volví a empujar. Se desabrochó el pantalón. Diciendo siempre que aquello no era malo y que él no era mi padre. Abrí el cajón y cogí un cuchillo y lo amenacé, pero solo para asustarle. No me hizo caso. Dijo que no sería capaz. Se me echó encima. ¿Qué vas a hacer, mamá? No lo sé. Vete a cambiarte que vas a coger una polvoría. Paula, recuerda que fui yo quien la mató. No lo viste porque estabas en la calle. Es muy importante que recuerdes eso. arrêtons là. Et nous avons assisté là à la construction d'un autre secret nécessaire, puisqu'il y a eu un meurtre. Et ce meurtre suit quelque chose qui aurait aussi été couvert d'un secret, la tentative d'inceste. Et cette tentative d'inceste suit quelque chose qui aussi était couvert de secret, c'est-à-dire que ce n'était pas son père, et elle ne le savait pas, et cela lui avait été caché. Serge Tisseron montre comment les secrets s'enchaînent les uns aux autres, qu'un secret provoque un contre-secret, et que ça peut se poursuivre. Et il y a un mimétisme du secret, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a fait secret, pourquoi ne pas faire secret d'autre chose, et on peut continuer de la sorte. Le secret, là, paraît nécessaire pour circonscrire la violence et son potentiel destructeur. D'où l'action d'éponger, de nettoyer, de laver, de purifier, d'essorer. Séparer le propre et le sale, le vivant et le mort. Distinguer la loi sociale et, de l'autre côté, le désordre de la violence. Établir une muraille qui évite l'envahissement de la sauvagerie. Et là, le spectateur, il est clairement appelé, je pense que nous sommes tous complices, appelé à construire ce secret, à participer à la construction de ce secret. D'ailleurs, cela se fait en direct, alors que le récit du meurtre involontaire a été fait au passé, et nous est fait par un récit oral de la jeune fille. Par contre, un petit détail qui ne nous a pas été épargné, c'est que la mère remonte la fermeture éclair de la braguette. Nous l'avons entendu sur la bande-son. C'est un méchant qui vient de mourir et que personne ne pleure. Nous sommes dans l'univers du mélodrame spectaculaire, et où il y a donc des bons et des méchants. Notre place est clairement fixée, et en même temps, il y a un spectacle de couleurs, puisque le sang, ce rouge qu'Almodovar affectionne, se retrouve quelquefois dans la poubelle bleue, et qu'il y a là une accentuation du spectacle grâce à ces jeux de couleurs. Et nous sommes appelés donc à nous souvenir que si nous participions à la scène, nous serions aux côtés de celle et de cette solidarité de femmes qui construisent le secret, mais que ce n'est qu'un spectacle, fort heureusement, pour le moment. Voilà. On a tout vu. Non, pas tout. On n'est pas monté en haut de cet escalier-là. Viens. Oh, c'est pas la peine. Viens. Redescends, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a un couloir, tu vois bien. Ah, je vois une porte au bout du couloir. Oui, il y a une porte. Redescends maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Rien d'intéressant. Mais quoi? Une petite pièce, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pièce? Un débarras. Est-ce qu'on va voir? Non. Ah, tu m'as dit que tu me faisais tout visiter. C'est vrai, j'ai dit ça, mais cette pièce-là... Qu'est-ce qu'elle a? Rien. J'aimerais mieux que tu n'y ailles pas, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est plein de cadavres. Arrête. Si, si. Les corps de mes ex que j'ai assassinés. Ouais, très drôle. Allez, viens. Viens, on va voir. Redescends, je te dis. Fâche-toi pas, j'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire, un débarras en haut d'un escalier? Rien, enfin, ça me fait rien, mais crie pas comme ça. Tu me fais peur. Pardonne-moi, non, je voulais surtout pas... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma grâce, ma beauté descendue du ciel. Dis-moi que tu n'entreras pas dans cette pièce. Pourquoi? Pourquoi tu voudrais aller là-bas? La maison n'est pas assez grande. Tu veux que je te fasse construire une rallonge? Hein, qu'est-ce que tu aimerais? Je ne sais pas, un solarium tropical. Ça serait magnifique, non? À côté du grand salon 1900. Veux-tu? Non, c'est pas ce que je fais. Je me demande simplement pourquoi. Regarde-moi, une pièce sur 28, tu trouves trop? Non, mais. Alors, est-ce que tu promets? Oui, mais. Dis-le. Je promets. Dis-le encore. Je te promets, Henri. Je pousse la porte. Je glisse une jambe à l'intérieur, l'autre jambe. Je referme la porte doucement. Je suis entrée. Je l'ai fait. Il fait noir, extrêmement noir, j'ai peur. Mon bras est collé à mon corps est collé à la porte. Mes genoux tremblent. Je reste là, tais-toi, grâce, écoute, j'écoute. J'entends tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est? Le plancher qui craque? Une branche qui frappe la fenêtre? Est-ce qu'il y a une fenêtre ici? Où est-elle? Une fenêtre bouchée? Je me vois dehors le premier jour, quand il m'a montré la maison. Les jardins, les terrasses. Est-ce que j'ai vu une fenêtre bouchée? Putain, je sais plus. Tais-toi, écoute. Qu'est-ce que j'entends? Une respiration. La lampe, est-ce que je l'ai? Oui, elle est là, au bout de mon bras. Il faut que j'appuie sur le bouton, j'écoute. Qu'est-ce que c'est? Un souffle? C'est moi qui respire si fort? Il faut que j'allume la lampe. Mes doigts sont crispés. Fais attention, me dit ma mère. Tu pourrais voir des choses. Voir quoi? Je pense à l'éclipse. Tu pourrais voir des choses. Quand j'étais petite, on nous avait dit, il ne faut pas regarder, vous pourriez vous brûler les yeux. J'imaginais les flammes rouges qui sortaient de mes yeux bleus. Je cherche le bouton de la lampe. Où est-il? Va-t-on? Me dit ma mère, me dit ma sœur. Non, pas ma sœur. Ma sœur, elle me dirait, vas-y, arrête d'avoir peur, grâce. Regarde les choses en face, vas-y. Quelle chose? J'allume, je regarde les murs. Rien sur les murs, j'écoute. Quelqu'un respire ici. C'est moi? Je retiens mon souffle, j'entends un autre souffle. Quelqu'un respire ici, là, ça vient de là. Je m'approche, je m'accroupis, il y a un creux dans le plancher. Au fond, une forme allongée, un sac. Je m'approche, je me penche, je pointe la lampe sur le sac. Mon cœur, on dirait qu'il va sortir de ma poitrine. Quelqu'un respire ici. J'étire mon bras, je touche le sac avec ma lampe, un petit coup. Un grognement. Quelqu'un dort ici, sur le plancher, dans le sac. Sauve-toi, grâce, me dit ma mère, me dit le monde entier. Sauve-toi, vite. Je reste là. Je soulève le sac. Je glisse ma main à l'intérieur. Une tête. Un duvet poisseux, humide. J'entends mon nom qui parle loin, très loin. Quelqu'un m'appelle, qui m'appelle. La tête bouge, se colle à ma main comme pour dire « Encore, touche-moi encore ». J'entends mon nom, c'est plus près qui m'appelle, c'est chaud sous ma main. Qu'est-ce que ça sent, la sueur? J'entends mon nom encore, c'est tout près maintenant et j'entends... Ouais, Monsieur Henri a essayé de vous joindre sur votre téléphone. Il dit que vous ne répondez pas, il m'a demandé de vous trouver dans la maison, il veut vous parler. Tu répondais pas? Non, j'étais... Ben, je l'avais éteint. Je l'avais éteint pour prendre mon bain, j'ai oublié de le rallumer. Elle en a mis du temps à te trouver, Jenny. Oui, j'étais dans la serre. Dans la serre. Pourquoi? Je cherchais mon bracelet. Tu sais, celui que j'aime tant. Je l'ai trouvé en dessous des rosiers, japonais. Il a dû glisser la dernière fois que j'y suis allée. Mais toi, tu voulais me dire quelque chose? Ah oui, c'est vrai. J'ai eu un appel tout à l'heure. Il faut que j'aille à Dubaï la semaine prochaine. Et cette fois-là, je voudrais que tu viennes. Tu me manques trop et j'avais envie de t'en parler tout de suite. Dubaï? Oui, il y a plages extraordinaires, des hôtels hallucinants. Et puis, il y a le désert. Tu m'as dit que tu rêves de voir le désert. Oui, Dubaï, bien sûr, on va y aller. Grâce. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, tout va bien. Tu devrais sortir, le temps est magnifique. Attends, je pense qu'on m'appelle, il faut que j'y aille. Tu vas sortir. Oui, j'appelle maman et puis je vais sortir. Je t'embrasse, mon amour. C'est toi, mon amour ? Ah, t'es pas parti ? Non, le vol est retardé, t'es essoufflé, t'as couru ? Je cherchais mon téléphone, je savais plus où je l'avais laissé. Il était en dessous d'un coussin dans le salon. Qu'est-ce que tu faisais ? Rien. Bah, je flânais. Tu devais pas voir ta mère ce matin ? Oui, oui, oui, j'allais l'appeler. On va aller dans les magasins. Tu me manques déjà. Toi aussi, tu me manques. T'es heureuse, là, à cet instant précis ? Maintenant. Oui, oui, oui. Dis-le. Je suis heureuse. J'aime ta voix quand tu dis ça. T'es où là? J'entends des portes qui se ferment. Dans la cuisine, je cherche quelque chose. Non, mais tu peux demander à Jenny. Hein. Elle doit être sortie, je la vois pas. Tu peux tout lui demander, tu sais, elle est là pour... Pour ça, oui, oui, je sais. Mais ça va, j'ai trouvé. Bon, je te laisse, ils vont m'appeler bientôt. Je t'embrasse, mon amour. La famille est un groupe, et comme tout groupe, elle est unie par des liens fondés sur des alliances, des accords, des pactes, des mises en commun, car ce qui fonde le sentiment d'appartenance familiale et groupale, c'est effectivement le partage d'un commun. En famille, le commun partagé peut être concret, matériel. On partage le même domicile, par exemple. Mais ce commun partagé peut être aussi affectif, psychique, imaginaire. On partage aussi des rêves, des fantasmes, des émotions. On est en train de partager ensemble, là. Des discours, mais aussi des silences et des non-dits. Car on partage une histoire, mais on partage également une mémoire. On peut effectivement avancer de ce point de vue l'idée que la famille est une gardienne de mémoire qui conserve des traces conscientes et inconscientes de l'histoire partagée, des traces dissibles et indicibles, des traces avouables et inavouables des événements présents et passés. La famille est donc en quelque sorte une gardienne de mémoire qui a ses chambres secrètes, ses fantômes, ses cryptes. Autrement dit, la mémoire familiale peut être parfois hantée et porteuse de secrets. Alors les secrets de famille, ils portent le plus souvent sur la filiation, sur des deuils non faits, sur des ruptures, sur des événements traumatiques, sur des faits inavouables, sur des violences que l'on peut qualifier d'irreprésentables, comme c'est le cas, par exemple, avec Volver, où le secret de famille traite du crime et aussi de l'inceste. Ce qui crée le secret pour Volver, et de manière générale, d'ailleurs, dans les familles, c'est donc cette confrontation à l'innommable, où le secret apparaît alors comme la solution. La solution de secours contre l'ultime, contre l'insupportable en fait, et il va permettre donc le secret de faire face à l'insurmontable en encapsulant en quelque sorte, en enfermant le secret pour le museler. Le secret a l'avantage de donner aussi l'illusion de reprendre le contrôle sur l'événement, hein, l'événement que finalement on subit. C'est-à-dire qu'il redonne une position active face à l'impuissance que génère l'effroi de certains événements traumatiques auxquels on est confronté. Il permet de reprendre une maîtrise sur les faits. Pour ne pas s'effondrer dans l'émotion, finalement, que fait-on ? On gèle l'émotion, on la cache en quelque sorte, on l'enferme avec la négation des faits dans le coffre-fort du silence. Et on devient ainsi le maître du secret. C'est-à-dire, par la même occasion, le maître de l'événement. En tel effet, pour tenter de les effacer. On l'a vu là de façon très imagée, comment dans Volver on tente d'effacer les traces pour faire en sorte finalement qu'on ait le sentiment que ça n'ait jamais existé. C'est ce qu'on appelle la stratégie du déni, hein, finalement. En effaçant du discours les choses, ce qui s'est passé, on espère finalement effacer l'événement de la mémoire, plonger à tout jamais l'événement dans l'oubli. Mais tout le monde a pu le constater, plus on veut oublier les choses, et plus le souvenir en fait s'impose à nous. Il s'impose à nous le plus souvent contre la force de notre volonté. Le souvenir nous hante alors à notre insu et il cherche des voies pour se manifester. Les souffrances que l'on veut taire et enfouir dans le secret, elles vont bien souvent ressurgir déguisées, parfois travesties, et parfois on les voit notamment surgir sous forme de symptômes. Le secret trouve aussi la voie de la psychopathologie pour s'exprimer, et cela y compris à travers les générations. Dans Volver, d'ailleurs, quand on voit l'ensemble du film, on peut observer que le secret, il produit ses effets de répétition sur plusieurs générations, de la grand-mère à la mère, jusqu'à la jeune fille, donc Paola. Ce qui est pathogène dans le secret familial, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le contenu factuel du secret. Finalement, ça, c'est peut-être pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est finalement le sens que prend le secret sur le plan relationnel et son impact sur l'économie psychique familiale. Car le secret familial va avoir une influence sur la dynamique relationnelle, une influence sur l'ambiance affective et familiale. On le repère parce que les conversations dévient. Les questions auxquelles que l'on pose parfois ne trouvent pas de réponse. Le silence s'installe, on a des attitudes de fuite, des gestes d'agacement, des évitements de regard, des corps tendus qui signalent en permanence l'existence du secret. Car j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de plus parlant que les secrets. Quand la bouche se tait, le corps bavarde. Les secrets, effectivement, ils se transmettent en s'enfouissant dans les mensonges, et même en se cachant en deçà des discours. C'est-à-dire, dans les gestes, les regards, les secrets se logent et se transmettent majoritairement par des signes non-verbaux. Comme le montre d'ailleurs très bien la scène du repas avec Affreux, on voit les regards, on voit les rires, on entend les rires, on voit les positions d'attente, on voit les poses de discours, on voit le message de la mère qui s'ajoute au secret quand elle dit que son fils est malade pour éviter qu'il ne mange les macaronis empoisonnés. Donc, elle respecte d'ailleurs cette mère, le pacte du silence. Il y a un petit moment de suspension dans le film, on voit le pacte du silence qu'impose aussi la loyauté et la solidarité groupale. Car dans Affreux, par exemple, les membres du groupe sont unis par le secret de la tentative de parricide qui scelle finalement le lien. Idem d'ailleurs dans Volver, où la mère va s'accuser du crime en lieu et place de sa fille. Le plus souvent, c'est le secret qui permet donc de resserrer les liens familiaux au moment même où ces liens risquent la rupture. C'est toute la dimension en fait paradoxale, on va dire, du secret. Ajoutons que le secret donne aussi un pouvoir sur l'autre qui ne sait pas. On le voit dans Affreux, à travers la jouissance du secret partagé, lié à la prise de pouvoir, à la prise de contrôle sur le patriarche qui jusqu'alors règne en maître, qui s'est approprié dans sa maison toutes les femmes d'ailleurs qui y sont présentes. Donc il y a une espèce de coup d'état familial qui s'organise à ce moment-là, qui œuvre dans la connivence secrète pour renverser le règne paternel. Mais si le secret fait lien, en mettant d'un côté ensemble ceux qui savent, il met aussi de l'autre côté, à l'écart, ceux qui ne savent pas. Et il a un inconvénient, malgré tout, le secret, au-delà de tous les avantages que je viens de citer, quand même, vous les avez remarqués. Il a un inconvénient qui est de laisser prisonnier du lien, car quand on a un secret, eh bien, en principe, on est condamné à se taire. Donc il y a des secrets qui, de ce point de vue, sont très lourds à porter. Des secrets que moi je qualifie de secrets fardeaux, dont le sujet se retrouve dépositaire, mais aussi parfois héritier. En fait, le problème du porteur du secret, c'est qu'il est à la fois gardien et prisonnier du secret. Ce qui dit de vous est d'ailleurs est très bien montré dans Volver, avec Raimunda, par exemple, dont on voit combien c'est compliqué pour elle. Et le secret peut parfois aussi en cacher un autre, comme de nouveau dans Volver, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le secret donc, sur la mort de Paco, hein, l'homme qu'on a vu assassiner, qui cache en fait l'inceste, qui cache le secret sur les origines de la jeune adolescente Paola. Donc c'est un espèce de jeu d'emboîtement des secrets. Parce qu'il y a des secrets qui sont aussi des secrets paravent, ce qu'on pourrait appeler des secrets écrans, en fait, qui en dissimulent d'autres. Et ensuite se produit ce qu'on pourrait appeler l'effet ricochet du secret. Un secret en entraîne un autre et verrouille en quelque sorte à plusieurs tours de clé la porte d'accès à la connaissance donc, de l'événement caché. Mais on peut aussi être porteur à son insu de secrets qui ne nous appartiennent pas, dont on peut hériter le secret de ses ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. Et en général, ce dont on hérite, c'est de ce côté-là, de tout ce qui n'a pas pu être traité et qui vient se manifester sous une forme, on va dire, fantomatique dans notre vie psychique. Dans Volver, d'ailleurs, on le voit incarné avec le retour de la mère, du monde, enfin de la grand-mère, du coup, du monde des morts, qu'il incarne parfaitement. Mais avant d'aller plus loin, il est peut-être important de préciser qu'au sein des familles, il existe plusieurs types de secrets, en fait. Et de dire attention à la mauvaise réputation du secret. Il y a aussi des secrets nécessaires. Il y a des secrets structurants. Par exemple, le secret que renferme la chambre parentale dont la porte est fermée aux enfants. Ce secret-là, il permet de délimiter le territoire parental, d'organiser l'intimité conjugale en réaffirmant la nécessaire différence des générations, par exemple. C'est le jardin secret. Tout sujet, tout couple, toute famille a son jardin secret, son jardin privé. Avoir des secrets est donc essentiel parce que cela permet de vérifier aussi que l'autre n'a pas accès à nos pensées, de vérifier que notre vie psychique nous appartient et qu'elle n'est pas accessible à tous. Tout dire, tout montrer, ne rien cacher, ne faire aucun secret, être dans la permanence transparence, laisserait le sujet mis à nu, avec la porte de son intimité psychique, finalement, ouverte à tous. Il se retrouverait alors dépossédé de sa propre vie psychique, vulnérable. En fait, le secret, il permet aussi de rêver, il permet aussi d'imaginer, car il crée l'énigme, donc il attise la curiosité, la soif de savoir. Il peut être aussi support de la créativité. Le secret, il est donc nécessaire sur le plan social, sur le plan familial et sur le plan individuel. Il n'y a donc pas d'impératif à dire. Mais s'il y a des secrets donc, qui sont nécessaires, vous l'avez compris, et structurants, il y a aussi des secrets qui sont plus déstructurants, il y a des secrets qui sont plus pathogènes au sein des familles. Toutes les familles abritent des secrets, petits ou grands. Ils ont toujours des conséquences, ces secrets. Mais ce qui va faire leur gravité réside surtout dans l'insistance que l'on va mettre, finalement, pour préserver ces secrets. Le jumeau viola sa jumelle et se tua. Le jumeau entraîna sa mère au fond d'une fosse et la tua. La mère abandonnant sa fille, la fille tête fracassée à coups de marteau, le marteau a concassé la mâchoire de sa fille jusqu'à la dernière dent, une dent au milieu du cerveau de sa fille qui n'a pas su donner un cœur à la sienne qu'elle a appelée Lou. Est-ce que je résume bien, Douglas ? C'est ça, la vérité que Ludivine voulait me dire et qui allait me permettre de tomber amoureuse ? Lou, le fil du passé nous lie et nous relie. Il ne nous relie pas, il ne nous relie pas, il nous condamne. Moi, du moins, il me condamne. On s'en crisse-tu ? On s'en crisse-tu, tu penses, du fil de mon passé ? Odette, mère d'Hélène, mère de Léonie, mère de Ludivine, mère de Luce, mère d'Aimée, mère de Lou, so what? On peut remonter encore et encore et passer notre vie, vous et moi, Douglas, à chercher et fouiller et oublier le présent. On peut, si ça peut vous faire plaisir, passer nos jours ensemble. Qu'est-ce qu'on a trouvé en trouvant ça? Ma généalogie? On s'en crisse-tu, tu penses, de ma généalogie? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pourquoi ma mère n'est toujours pas enterrée? C'est quoi l'affaire? L'eau divine, pour sauver la mémoire du sang de votre filiation, a fait apparaître au centre du cerveau... De ma mère, un fragment d'elle-même. Ok, ok. Puis ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie? Sur moi, sur ma mort, ma naissance. C'est peut-être intéressant pour un pentalogue, mais pour le commun des mortels, c'est bullshit. Vous parlez du sang, Douglas! Vous parlez de mon sang! Je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée. Maintenant que je connais l'histoire de mon sang, eh ben ce sang-là, celui que j'ai dans mes veines, celui-là, eh ben j'ai encore plus envie qu'avant de prendre le couteau puis de me trancher les veines pour me le vider jusqu'à la dernière tache, le faire disparaître, le brûler, le mettre dans l'acide et tout laisser tremper sans épargner la moindre goutte. Et si c'est vrai que je suis la dernière descendante de cette lignée et que ce sang est bien mon sang, je peux vous assurer que rien dans son histoire ne me donne du courage pour vivre. Rien. Au contraire, mourir est tout enterré jusqu'à la dernière corde. Mais j'ai promis à Luce que j'irai jusqu'aux ténèbres, alors je vais y aller. Ah oui, je vais y aller, hein. Je vais trouver, quitte à y laisser ma peau et ma raison. Alors plus rien à perdre, plus rien à perdre. Une fois que la muraille de Chine du secret a été édifiée, avec toute l'énergie qu'il faut, avec tous les rebonds et les ricochets que cela a pu entraîner, il faut bien une autre énergie pour abattre cette muraille de Chine. Et cette énergie, eh bien, ce sont des personnages de cinéma, mais ça peut être aussi des personnes de la réalité qui l'ont. Nous allons voir un extrait de Pardonnez-moi de Mayouen. Je l'accorde, c'est mieux. C'est Alex. T'as pas envie de connaître ton vrai père? Voilà! Je vous présente Paul. Bonjour, Lola. Bonjour, Nadia. Oh, le scoop! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, monsieur. Violette, c'est encore toi qui as manigancé ce truc-là. Ouais. Tu es une vraie salope! Mais une vraie salope, hein! Bonjour. Bonjour! C'est vraiment insensé. Pourquoi tu fais ça, franchement? Parce que c'est une connasse. Une salope. Faut pas dire ça. C'est... On a décidé ça tous les deux. C'est... Aujourd'hui, c'est important qu'on se retrouve tous là, tous ensemble. Et qu'elle me connaisse. Même si ça peut faire très mal. Sinon, il y a trop de mensonges. Non? Maintenant, il faut reconstruire ça, un peu, délicatement, sans prendre la place de personne, surtout pas. Vraiment. Et t'as pas été foutu de venir me voir, moi, pour me dire pardon ou quelque chose, ou demander à voir ta fille 20 ans après, mais c'est quoi d'aller voir Violette? Pourquoi tu la fous là-dedans? C'est la reine des manipulatrices, évidemment, elle saute dessus. Ça, alors, c'est la meilleure. C'est moi la manipulatrice? Eh ben, bien sûr. Mais qui c'est qui a menti pendant 20 ans? Mais est-ce que ça te regarde ou pas? Mais ça me regarde! Oui, j'ai besoin de me construire moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Il se trouve que c'est moi dont on parle là, à ce moment-là! Est-ce que tu t'es posé une seule fois la question si j'en avais envie ou pas? Pauvre conne, va! Je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis très heureuse de t'avoir comme ça. T'es une fille géniale. Ma pauvre fille. Oh, j'en ai marre, tiens, j'en ai marre. Super. Super. Pas mieux comme ça. 18 ans après. Mieux tard que jamais, non? Nadia, tu en veux? Fais-toi plaisir, c'est ton moment, t'es dans ton film. D'abord, c'est pas moi qui ai la vérité. La vérité, je veux la chercher, je veux la trouver. Je sais que je peux paraître comme un monstre. J'aimerais comprendre pourquoi tu m'as pas aimée. T'es ma fille comme les autres, voilà. C'est pas vrai, tu sais que c'est pas vrai. Tout le monde le sait que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es ma fille comme les autres, c'est tout. Mais dis-le, Billy, que c'est pas vrai. Tu sais de quoi je parle. Tu sais, toi aussi t'as vu. Et t'as fermé ta gueule pendant des années. Qu'est-ce que j'ai vu? Je suis dans une famille où il y a que des non-dits tout le temps. Les choses, elles sont enterrées comme des cadavres. Et Paul, il est venu me voir. Et puis, voilà, il m'a touchée parce qu'il voulait rencontrer sa fille. J'ai été touchée par un être humain, c'est tout. On arrête là avec un arrêt sur image. Une image noir et blanc d'une petite caméra qui est censée davantage montrer la vérité que l'image en couleur. Avec les artifices de la vie sociale et de ce qu'on veut faire croire aux autres. Parce que donc cette énergie, pour mettre à jour le secret, il fallait qu'elle se déclenche, qu'elle explose, qu'elle éclate. Et si nous avons été victimes d'un secret de famille, parce que voilà, on peut le dire, à quel âge avons pu avoir cette énergie suffisante pour le faire éclater, pour le faire se dévoiler. Il en faut de l'effort, de l'audace, du courage. Parce que le secret, cela a été dit, c'est quelque chose aussi qui peut enfermer, qui peut exclure, qui peut recouvrir chacun de nous d'un masque, comme cette crème fraîche sur les visages ou cette assiette derrière laquelle on se cache. C'est que le secret enferme, rend impossible le fait d'être soi face aux autres, d'être fier de son origine, d'être conscient de son identité et de pouvoir vivre avec les autres avec cette identité. Le secret, dit le personnage, fait de nous des cadavres, des êtres qui ont perdu une partie de leur humanité. Et la mise à jour du secret, c'est la possibilité, peut-être, de reprendre un nouveau départ, de se redonner les moyens de vivre à nouveau. Dans ce lieu clos de la salle à manger, où les portes sont très présentes, elles sont ouvertes à certains moments, fermées à d'autres, ce père qui avait été placardisé est ressurgi et a permis qu'enfin, dans un moment presque carnavalesque, où chacun joue à se mettre de la crème sur les joues, eh bien, retrouve sa vérité, même si la mère de famille, bien sûr, réagit extrêmement mal. Et nous avons là une scène qui est quasiment autobiographique, d'une grande vérité et qui peut nous toucher par-delà le fait que ce n'est peut-être pas notre histoire et que ce sont d'autres que nous qui sont à l'écran. Nous passons à un autre extrait de film, Histoire d'un secret, de Mariana Otero. Et l'histoire racontée date de 1968, bien avant donc 1974, moment où la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse a été votée, la loi dite Simone Veil. Nous regardons cet extrait. Je me souviens qu'on s'était rencontrés dans un café, c'était il y a 20 ans. Et tu m'avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, qu'elle n'était pas décédée de ce qu'on disait, qu'elle n'était pas décédée d'une appendicite, mais d'autre chose. Et alors ? Tu te souviens ? Oui. Qu'est-ce qu'il en est resté ? Ben justement, à ce moment-là, pas grand-chose. Je me suis dit, tiens... Enfin, c'est quand même resté un petit peu dans un fond de ma tête. Est-ce que c'est important ? Ah non, je voulais justement, un petit peu quand même, je voulais te demander pourquoi tu pensais ça. Tu avais l'air de dire qu'elle était... J'ai rien l'air de dire. Simplement, c'est une femme merveilleuse. Tu veux me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Est-ce que tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute, là. Je ne te le dirai jamais. Jamais. Un ami ne demande rien du tout. Il dit, c'est comme ça ? C'est comme ça. Tu m'écoutes ? Tu veux des explications ? Il n'y aura pas d'explications. Tu veux des explications ? Demande à Antonio. Antonio sait, comme moi je sais, une tonne de choses. Je ne dirai rien du tout parce que je suis pris par... C'est évident que je n'ai pas vous dire. Immédiatement après sa mort, qu'elle était morte, a été une erreur épouvantable. Mais sur le moment, nous avons crié bien faire. J'ai crié bien faire. Tellement j'avais peur de votre souffrance. Tellement la mienne était grande, tellement j'avais peur de vous la faire partager. Tu vois? Je me suis voilé la face et continué à faire comme si je n'étais pas morte. Moi, il y a une chose que j'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi il n'y avait pas de tableau de Clotilde dans l'appartement. J'ai pas d'explication logique ni cohérente à donner. Je crois que ça devait être que pour moi il était une trop grande souffrance d'avoir les tableaux de Clotilde pendant des années. Une trop grande souffrance d'avoir les tableaux de Clotilde devant les yeux. Pour moi, ils étaient enfermés dans un placard, c'est-à-dire ils étaient. Enfin, la poignée qui servait à ouvrir le placard était enlevée. Et donc, c'était vraiment un placard fermé, quoi, qui était. Qu'on pouvait pas ouvrir, quoi, sauf à transgresser un interdit qui était celui d'aller chercher. Avec un arrêt sur image, je sais que. Il peut y avoir de la frustration. C'est pas que le reste du film est tenu secret. Vous pouvez le consulter dans les bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales, pour ce film-là, qui ne sera pas dans la rétrospective Drôle de famille du festival. Il faut dire que Mariana, elle a fait ce film à 40 ans. Donc voilà le moment où il a fallu qu'elle parte à la recherche de ce secret. Avec sa sœur, elle se rappelle leur enfance, puisqu'elle avait 5 ans quand sa maman est décédée d'un avortement qui s'est mal déroulé, et qu'on lui a d'abord caché la mort de sa mère, c'est ce qui est dit par le père, et puis qu'après on a dit que c'était des suites d'une appendicite. Et donc avec sa sœur, elles savaient toutes les deux que c'était un sujet qu'il ne fallait pas aborder. Et qu'il y a donc beaucoup de moyens très subtils pour faire secret, surtout avec des enfants. Et là, l'énergie de Mariana, c'est de dévoiler ce secret. Et nous voyons les premières images de cette séquence dans la nuit, dans cette nuit qui rend aveugle, qui est striée de trouées de lumière, qui est striée aussi de tableaux d'une artiste, et cette artiste est sa mère, Clotilde Vautier. Et elle se trouve comme dans un labyrinthe, avec des fausses pistes. Cette amie qui dit ouvertement, fermement, qu'il ne dira rien. Et la nuit passe, la porte s'ouvre, c'est le jour, c'est son père, et qui, lui, explique toute la culpabilité qu'il a ressentie à ce moment-là, l'affreuse tristesse qui l'a envahi, et l'impossibilité de révéler ce qui s'était passé, surtout à des enfants. Et c'est là que nous voyons ce parcours en voiture vers la vérité, et cette voiture qui s'arrête comme pour marquer l'émotion de la révélation faite par le père. Pour la première fois, il accepte d'en parler. Et il faut un temps pour encaisser cette révélation. C'est un parcours, en fait, qui engage deux personnes. Il s'agit d'un documentaire. Il faut que le père ait fait ce chemin pour être prêt à révéler ce qui s'était passé. Il faut que la fille ait fait aussi un chemin pour aller à la rencontre de ce secret et le percer. Et puis il a fallu que toute une société fasse chemin aussi pour que cette situation absolument révoltante, indigne, faite aux femmes, de se faire avorter dans les pires conditions, de risquer leur vie, puisse enfin au moins s'atténuer, voire disparaître, puisqu'on sait bien que la loi de 1974 n'a pas réglé complètement le problème, mais a rendu légal l'interruption volontaire de grossesse. Et donc, pour faire tout ce chemin, il a fallu un élan vital. C'est une force de vie qui a permis de percer le secret. Et cette force de vie est alimentée par la force de l'élan artistique qui a conduit Clotilde à faire ce choix. Et ce sont ces tableaux que le film nous amène à découvrir petit à petit, d'une beauté totale, et qui nous amène à comprendre l'itinéraire de cette femme qui s'est terminée tragiquement. C'est une leçon de vie pour chacun d'entre nous et aussi un sujet de réflexion sur la difficulté de percer un secret et de ne pas recourir au secret. C'est facile de dire que effectivement le secret, ce n'est pas la bonne solution. C'est plus c'est difficile pourtant d'y parvenir. Nous passons à un dernier extrait avec le film Festen, dont le Quai a montré l'adaptation au théâtre. Et nous allons voir la scène du repas pendant laquelle est dévoilé un secret. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den Når far skulle i bad. Se, jeg var ganske lille, da jeg flyttede her til godset, og jeg tør roligt sige, at det var en helt ny tid, der mødte os dengang. Vi havde al den plads, vi kunne ønske os, og al den ballade, vi kunne lave på al den plads. Dengang var der restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død. Og jeg, vi legede herinde, og jeg kan huske, for mange gange hun puttede noget i maden, uden at gæsterne så det. Og hun så sad her i vores skjul, så begyndte Linda altid at grine, og hun havde jo det mest smittende og mest hjertelige grin, man kunne forestille sig. Og der gik jo gerne ind 2 sekunder, og så sad det begge to og skraldgrinede, og blev selvfølgelig opdaget. Det er klart. Men der skete jo aldrig noget, nej. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kunne huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjekkede noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kære små. Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad. Og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både sommer og vinter og forår og efterår og morgen og aftenen. Og det skal de da vide om min far, tænkte jeg. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Der er nogen, der kan tænke sig at kunne leve sådan et langt liv og se sine børn vokse op, og for Michaels vedkommende, børnebørn. Nå, men nok om det, vi er jo ikke kommet for at høre mig tale resten af natten. Vi er jo kommet for at fejre Helge på hans 60-års dag, og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen. Så tak for de mange gode år, og tillykke med det. Nous arrêtons là avec un arrêt sur image. Donc cet extrait du film de Thomas Vinterberg nous montre comment là, eh bien, dans l'espace du film, personne ne semble réagir au scandale absolu de l'inceste. Juste des réactions comme des actes manqués, quelqu'un qui renverse un verre, mais aussi quelqu'un qui est pas loin d'applaudir à la fin et qui nous montre cette force du conformisme social. Personne n'ose dire qu'il y a là quelque chose d'absolument abominable qui est révélé. Et ce conformisme social, c'est celui-là même qui a sans doute protégé et autorisé les actes abominables, les pires atrocités qui ont été commises. C'est le même conformisme social, c'est ce même ordre social qui fait que tout devient possible dans l'intimité de la vie de la famille. Et donc là, c'est au spectateur de prendre sa part d'indignation avec cette question face à ce monde apparemment indifférent. Est-ce qu'il existe une justice ? Donc, la révélation de ce secret est, je pense, l'occasion pour le spectateur de lui-même avancer par rapport à ce qui est évoqué. Ce père ogre, bien sûr, il faut en finir avec cela, comme le père ogre de la première séquence que nous avons vue d'Affreux sales et méchants. Elle est partie ce matin. Ses parents l'ont apportée comme un bagage posé sur la banquette arrière. Ils ne l'aiment pas. Ils ne savent pas la rendre heureuse. Ils l'éduquent et l'éducation n'est pas le bonheur. En rentrant, ils l'amèneront à Carrefour acheter un cartable et des fournitures. Dans une semaine, ils la déposeront devant l'école où elle sera emprisonnée 7 heures par jour jusqu'à la fin du mois de juin. Elle mangera à heure fixe une nourriture saine et équilibrée, comme si elle était un chien dont on veut conserver la brillance du poil et la fraîcheur de la truffe. Quand elle aura fini d'apprendre ses leçons, on la couchera sans une caresse et on la réveillera à 7 heures alors que le jour ne sera pas encore levé. On la jettera dehors dans le froid. On criera pour qu'elle marche plus vite, comme si elle était un de ces repris de justice qui, au 19e siècle, traversaient la France enchaînée pour rejoindre le bagne de Toulon. Si son carnet de notes ne convient pas à son père, il la grondera, la punira, la giflera peut-être comme une épouse adultère. On l'obligera à skier pendant l'hiver et quand elle tombera au milieu d'une piste, le moniteur la sommera de se relever. Elle obéira comme un boxeur que son manager houspille après un chaos. Toute une année de tristesse, de douleur en perspective. D'ici l'an prochain, où ils la ramèneront passer l'été chez nous. Elle me sautera dans les bras et sa grand-mère lui aura préparé une tarte meringuée. Dans sa chambre, il y aura un bouquet de marguerites que j'aurai cueilli moi-même en prenant soin de les couper au ras des racines afin qu'elles gardent leur éclat pendant toute une semaine. Je l'emmènerai promener au bois des anges. Avec mon canif, je lui taillerai des arcs et des flèches pour qu'elle se prenne pour une indienne. Nous irons au village acheter des jouets au bazar et des bonbons chez Madame Premet, qui lui dira qu'elle est encore plus belle, plus resplendissante que l'an dernier. En revenant, je lui prêterai ma canne et elle me fera rire en imitant ma claudication. Le soir, je lui couperai sa viande, comme lorsqu'elle était encore un bébé. Quand elle prendra son bain, je ferai flotter sur l'eau des petits bateaux et des canards pour entendre son rire, plus merveilleux encore que le plus beau des concertos de Mozart. Je lui raconterai une longue histoire quand elle sera au lit et je m'allongerai à côté d'elle en attendant qu'elle s'endorme. Je quitterai sa chambre à reculons pour jouir encore de son visage dans la pénombre. Vers 3 heures du matin, quand ma femme sera profondément endormie, je me relèverai sans bruit. Et dans la touffeur d'une nuit où le massif des morts brûle comme un feu de brindille, je prendrai sa petite main et je finirai par jouir sur le drap. Alors, la famille organise des secrets, bien souvent, en fait, tout simplement pour tenter de protéger la cohésion du groupe familial qu'elle perçoit donc menacée par une situation. Le pacte du silence est organisé, en fait, pour que rien ne change. Il faut sauver les apparences. Hein. C'est tout à fait l'idée de garder la belle image de la famille, idéalisée, comme dans Festen, par exemple, où après la révélation, il n'y a pas de réaction, en fait, où on voit les autres convives continuer, de s'organiser comme si de rien n'était. Donc les motivations du secret, elles sont au départ souvent liées à un projet de protection. C'est là-dessus que je voulais insister, parce qu'on cache l'information bien souvent pour protéger l'autre d'une souffrance qu'on ne souhaite pas lui imposer. On ne dit pas certaines choses aux enfants, par exemple, en argumentant qu'ils sont trop petits pour comprendre, en argumentant qu'on ne veut pas les faire souffrir. On veut les protéger d'une réalité trop cruelle. On veut les laisser dans l'illusion, finalement, de la beauté du monde. C'est ce qui se passe dans l'histoire d'un secret, où le décès de la mère est caché, en fait, aux enfants. Il n'est pas verbalisé. On leur dit au départ qu'elle est partie à Paris. On fait comme si la mère n'était pas morte. Et ce sont souvent donc des événements douloureux sur le plan affectif, ou encore des événements qui génèrent des sentiments de honte, ou des événements qui sont socialement répréhensibles, qui sont à l'origine des secrets. Comme l'avortement clandestin, effectivement, dans l'histoire d'un secret, et l'inceste dans Festen. Mais si le père, dans l'histoire d'un secret, explique qu'il n'a rien dit des conditions du décès de sa femme pour protéger ses enfants, vous avez entendu, il explique aussi qu'il était dans l'impossibilité de le dire à ce moment-là. Ça, c'est très important, parce qu'on voit que son intention première, c'était pas de cacher à ses enfants, mais son intention première, finalement, c'était en quelque sorte de se cacher les choses à lui-même. Et il s'est caché les choses à lui-même, et de fait, il les a cachées par la même occasion aux autres. Et le secret, il permet aussi, de ce point de vue, d'enfouir au fond de soi ce que l'on ne peut pas supporter, car la souffrance est trop grande, et dans le même temps, on tente aussi d'en préserver les autres. Parce que j'ai envie de dire que celui qui garde le secret, non seulement il ne peut pas parler aux autres de ce qu'il cache, mais il ne peut pas s'en parler à lui-même, j'ai envie de dire, par la même occasion. Donc il actionne comme une forme de clivage. En fait, il se coupe de son expérience vécue. Et d'ailleurs, quand on part à la chasse au secret familial, comme en témoignent aussi donc les différents extraits, là, on risque de faire du mal à celui que l'on interroge, parce qu'on contraint le porteur du secret, finalement, à dire. On le confronte effectivement à une souffrance que bien souvent lui-même n'a pas pu élaborer et qu'il cherche à enfouir au fond de lui. Alors, c'est ce qui se passe dans Pardonnez-moi, vous avez vu tout à l'heure, où la révélation du secret, elle est imposée à Violette. Et on voit bien que finalement, dans le cadre du repas familial, où on se met à table, vous voyez, on est à table, mais quand on se met à table, c'est le moment pour révéler les choses. On voit bien que cette révélation ne solutionne pas, en fait, le problème. La levée brutale du secret produit une vraie violence, on le voit au sein du groupe familial qui est sidéré. Parce qu'on a souvent l'illusion que pour guérir, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, du secret, il suffirait de dire, il suffirait de révéler, et puis magiquement, tout serait réglé. Mais vous l'avez vu là, donc pardonnez-moi, ça ne suffit pas, il ne suffit pas de dire, encore faut-il être prêt à dire et prêt à entendre aussi ce qui est dit. Donc ce qui importe, au fond, c'est les motivations à dire. Quand est-ce qu'on dit? Pourquoi on dit? Et puis, ce n'est pas simplement de dire, c'est qu'il faut qu'on soit entendu quand on dit. Il faut qu'on soit cru, il faut qu'on soit entendu, reconnu dans sa souffrance. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire, pour le sujet qui a dit, c'est encore pire, pratiquement. Parce qu'il est face au désaveu, à la non-reconnaissance de sa parole, et il n'a alors plus de choix que de se retirer de lui-même et du monde qui l'entoure. Alors, on n'est pas nécessairement prêt à accueillir, d'ailleurs, certaines révélations. C'est pour ça que je voulais insister sur l'idée que ce qui importe, c'est comment on dit, à qui et dans quelles conditions, en sachant qu'il ne s'agit pas ni de forcer à dire, ni de forcer à écouter. Ajoutons que dans Festen, ce qui est terrible, par exemple, c'est que tout le monde continue de faire semblant, je le disais tout à l'heure, de ne pas savoir, et cela même après la révélation du secret. La fête reprend, finalement, comme si de rien n'était. Ce qui souligne bien qu'il y a des secrets qui ne sont pas des secrets, en fait, mais qui sont ce qu'on pourrait appeler plutôt des non-dits. C'est-à-dire que tout le monde sait, mais tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Donc, dans les familles, il y a comme ça des squelettes dans les placards, comme dans Histoire d'un secret, où les tableaux donc, de la mère décédée, qui est artiste, donc, sont enfermés dans le placard dont on a jeté la clé. Pour autant, il y a des portes de sortie, j'ai envie de vous dire, pour terminer quand même sur une note un peu plus ouverte, parce que là, on est quand même un peu dans le trauma successif des présentations. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça dure en plus. Je prends un peu soin de vous quand même. C'est pour vous dire quand même qu'il y a des portes de sortie pour se libérer du secret. Il faut, pour rester vivant, j'ai envie de dire, hein, malgré tout, psychiquement, affectivement. Donc, il faut retrouver la clé, bien sûr, du placard. Hein, il faut rouvrir la porte, s'autoriser à poser des questions ou à dire, se libérer de la condamnation du silence, cette quête, comme je vous le disais tout à l'heure, elle engage un travail aussi sur soi, hein, pour que ces retrouvailles elles soient possibles, car l'accès au secret ne suffit pas. Hein, il faut aussi être en capacité d'élaborer la confrontation au secret. Hein, quand ton secret nous est révélé, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cette révélation? Donc ces trouvailles, parfois, ou ces retrouvailles avec le passé, ou ce qui a été tenu au silence, ça demande aussi parfois eh bien, du soutien. Et parfois, eh bien, on a besoin d'aller chercher du soutien autour de soi pour pouvoir, eh bien, je dirais, élaborer ce qui a été source de souffrance. Parfois, ça peut être la voie thérapeutique. Ou alors, ça peut être la démarche artistique, comme le cinéma. C'est toujours très intéressant de voir la part autobiographique, hein, là, pour cause, des productions artistiques, que ce soit aussi dans le champ de la littérature. Enfin bon, je ne vais pas développer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, les cinéastes comme Mai Wen ou encore les écrivains, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont déplacer sur une autre scène, finalement, leur quête de sens. Et finalement, je terminerai en disant que ce qui est pathogène dans le secret, c'est qu'il laisse une mémoire trouée et il va falloir raccommoder en quelque sorte cette mémoire trouée et on va pouvoir la raccommoder grâce au travail de narration en fait et grâce à l'effort du récit, grâce au témoignage et grâce à l'activité de création. Donc il faut continuer d'inventer et de rêver. Oui. On applaudit déjà. Je voulais juste reprendre un petit peu les propos, mais sur le plan sociologique, peut-être un petit peu plus maintenant, de dire pourquoi le secret, essayer de répondre à cette même question, parce que le secret de famille, ce n'est pas qu'au cinéma, finalement, c'est aussi un peu dans toutes les familles. Et en fait, la réponse est assez simple sur le plan sociologique. Si une chose est tenue secrète, c'est qu'elle vient briser l'honneur de la famille, c'est qu'elle suscite une forme de honte. Le secret, il est en rapport direct avec les normes sociales et culturelles, et plus précisément avec ceux qui les édictent aussi dans la famille ou au sein de la famille. Et dans le domaine de la famille proprement dit, un simple divorce pouvait susciter le déshonneur il y a quelque temps. Une liaison extra-conjugale, une grossesse extra-conjugale, une stérilité, une adoption, un avortement, on l'a vu, une relation homosexuelle. Aujourd'hui, tous ces exemples sont sans doute moins vrais qu'au temps de Maupassant, mais d'autres normes surgissent sans cesse, l'inceste, la pédophilie. La violence conjugale, davantage banalisée à certaines époques, sont aujourd'hui beaucoup plus décriées. Mais il y a aussi d'autres secrets aussi dans le champ économique et professionnel. Une faillite, une perte d'emploi, un déclassement social, une situation de chômage, une clochardisation de quelqu'un, d'un membre de la famille. Mais encore aussi dans le domaine de la justice, des actes malhonnêtes, un passage en prison, des délits, voire des crimes, etc. Dans le champ du politique, les appartenances idéologiques au sein de la famille peuvent susciter le silence sur le passé de certains membres au regard de l'histoire. Personne ne se vante aujourd'hui d'avoir un grand-père collaborateur. Et que dire encore de la maladie mentale, du suicide, etc. Certains membres disparaissent des albums de famille et des récits. Ils disparaissent mais continuent d'exister psychiquement et se transmettent même de génération en génération. Mais cela a déjà été développé. Comme la famille est unie, solidaire, le collectif s'impose sur l'individu déviant. Cette déviance est relative, bien sûr, aux époques et à la culture. Mais la prévalence de l'individu aujourd'hui sur le collectif, dans nos sociétés, va-t-il conduire justement peut-être de plus en plus au dévoilement et à l'obligation de la révélation? Les nouvelles technologies aussi vont-elles tout révéler de l'intimité? On peut dire qu'il en est au cinéma comme dans la vie. La révélation imaginaire ou réelle est ce qui nous anime habituellement. Nous cherchons tous à apprendre, à comprendre. Si des choses importantes nous sont cachées, nous voulons les connaître. Le secret se fabrique encore une fois par tout un ensemble de processus à la croisée de l'intime et du collectif. Mais dans le même temps, s'engage une opération de déconstruction de l'intrigue. Je pourrais dire que tous les films sont des thrillers d'une certaine façon, comme dans la vie elle-même. Quel est donc ce cadavre dans le placard? Qui l'a tué? Et pourquoi? C'est vrai que quand nous voyons tous ces films, nous pouvons avoir un rêve de transparence, d'être transparents les uns aux autres, de tout savoir les uns des autres, pour éviter tout ce que nous avons pu voir. Mais ce rêve de transparence, cela a été dit, n'est pas réalisable dans la totalité. Je vous vois, je ne sais pas ce que vous pensez, et c'est très bien comme cela. Et je préfère peut-être même, parce que peut-être certains d'entre vous ont leur esprit qui est bien loin de nous. Et donc, le rêve de la transparence, on sait qu'il a inspiré aussi des entreprises totalitaires. Il suffit de voir, par exemple, le procès de Kafka, adapté au cinéma par Orson Welles, comment une des scènes montre Monsieur K, que l'on place sous la lumière. Et tout savoir de quelqu'un, il y a quelque chose qui peut être aussi dangereux. En fait, il y a bien sûr le secret, alors qui peut être édifié dans la violence, en accompagnant la violence, mais il peut y avoir aussi le mystère, et ça c'est quelque chose d'autre, ce qui dépasse notre capacité de connaître. Et nous avons tous droit à cette part de mystère en nous, et l'autre, dans l'amour, quand il sait préserver ce mystère, eh bien, nous est encore plus aimable, au sens étymologique du mot. Le mystère nous est nécessaire et je pense qu'il nous permet de bien nous porter. Oui, alors, je vais faire très court quand même, parce que là, juste dire que finalement, face au secret, on a plusieurs places qu'on peut occuper. Soit on peut être à l'origine du secret, par exemple, soit on est mis dans le secret. Soit on peut savoir qu'un secret existe, mais on n'en connaît pas le contenu, ou soit on ignore carrément qu'il existe un secret. Bon, ça fait plusieurs positions possibles. Et je voudrais juste ajouter aussi que le plus souvent, par rapport au secret, notre relation au secret peut évoluer. On l'a vu là tout à l'heure, il y a des secrets de circonstances politiques et sociales, voire de circonstances familiales, et les choses peuvent donc évoluer. En tout cas, quand on cherche à faire secret, en fait, on nous prive d'une part de notre histoire et on essaye le plus souvent de la minorer. Or, paradoxalement, ça produit l'effet inverse. Plus on veut minorer l'importance d'un événement et plus il en prend. Et je voudrais juste terminer par un petit conseil de prévention, finalement. L'avantage, quand on a toujours su, c'est qu'on n'a pas à connaître la souffrance de la révélation ni à porter la charge du secret. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je crois qu'il y en a déjà une. Le micro est à la salle. Non, je n'ai pas de questions. Non, mais je voulais juste... D'accord. Je voulais juste vous conseiller le film de Eric Caravaca. Ah oui, Carré 35. Si vous l'avez vu, oui. Parce que c'est vraiment très impressionnant le travail qu'il a fait sur sa sœur. Ouais. Et ce parcours, cette recherche, c'est pas la question. Eric Caravaca sera sur notre plateau dans les Trois Sœurs en février en plus. Donc s'il y a des questions pour les... Ah oui, pardon, il y a plein de noms. Je me rends tout de suite. J'aurais voulu juste savoir, les textes qui ont été lus sont tirés de quoi? Voilà. Je peux répondre, mais je préfère vous laisser répondre. C'est plus agréable. Alors, le premier texte, c'est tiré de Microfiction, de Régis Geoffrey. Le deuxième, c'est Carole Fréchette, une petite pièce en haut de l'escalier. La petite pièce en haut de l'escalier. Le troisième, c'est Forêt de Wajdi Mouawad. Et le quatrième, c'est encore un extrait de Microfiction de Geoffrey. Voilà, merci. Merci, Sandy. C'était la même question, Clémence ? Oh, d'accord. Bon. Non, pas de questions. Tout était très complet, sans doute. On va rester sur voilà. Oui, bien sûr, je comprends. Bah, attends, très bien. Arrêtons-nous là, alors. Merci à tous, bonne soirée.